au guitare. Louis Philippe, il y a la musique qui le regarde. Il y a la voix. Il y a le merci. Thank you. The thoughts I'm losing, the cause you

Merci beaucoup. À la prochaine.